Bien, donc on va commencer cette séance pour laquelle nous remercions Michel Fier de bien en avoir voulu venir discuter avec nous et nous présenter ses travaux. Donc Michel Fier est philosophe, cofondateur des éditions Zone Books. Vous dirigez avec Éric Fassin et Michel Thor le séminaire Actualité sexuelle. Donc politique et savoir du genre, de la sexualité et de la filiation à l'ENS. Vous avez publié, alors beaucoup en anglais, notamment Powerless by Design, The Age of the International Community, donc aux presses de Duke University en 2000, et plus récemment dirigé l'ouvrage collectif intitulé Non-Governmental Politics, donc paru chez Zone Books en 2007. Et vous avez également publié récemment toute une série d'articles sur le néolibéralisme et donc ce que vous appelez la condition néolibérale, notamment donc dans la revue Raison politique, donc l'article S'apprécier ou les aspirations du capital humain, et également dans la revue Vacarme, donc entre autres Un retour vers le futur proche, Nous sommes la bourse. Et dans ce cadre, dans le cadre de ce travail, vous préparez un livre intitulé S'apprécier. Pourquoi et comment épouser la condition néolibérale, apparaître donc prochainement aux éditions La Découverte. Le seuil. C'est changé, c'est le seuil. Autant pour moi. Et donc, vous allez donner une conférence intitulée Crédit, estime de soi, partage, les contours de la condition néolibérale. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Ben oui, d'abord, je voulais dire que je suis à la fois ravi et désolé que vous m'invitiez à ce moment-ci. Ravi pour moi, désolé pour vous. Ravi pour moi parce que je suis en train effectivement d'écrire un livre sur cette notion de condition néolibérale et je suis à peu près aux deux tiers du livre. Alors, quand on est aux deux tiers d'un livre, c'est le moment où on a le plus envie de parler du livre. Donc pour moi, c'est très agréable de venir en parler. Mais pour vous, ça risque d'être très pénible parce que quand on est au tout début d'un livre, on peut aisément donner un espèce de panorama de ce qui va venir. Et puis quand on a fini un livre, ben on a fini, donc on peut résumer relativement succinctement ce qu'on a fait. Mais quand on est aux deux tiers, on a cette impression absolument délirante que tout ce qu'on a fait est terriblement important, qu'il faut absolument tout raconter, et c'est épouvantable pour les gens qui écoutent. Donc j'espère que ça ne va pas être trop dur pour vous, que je vais réussir à me contrôler et à réduire mon débit. Donc, je serai donc fort schématique, du moins c'est une promesse que je me fais, on verra si je la tiendrai. Oui, donc j'essaye de parler de cette notion de condition néolibérale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par condition? C'est déjà l'idée qu'il y aurait une condition néolibérale, ça veut dire qu'il y aurait d'autres conditions, donc on pourrait faire une espèce d'histoire des conditions humaines. Alors comment la construire et comment la situer? Ben, on peut partir de la manière dont Michel Foucault parle du gouvernement, de la gouvernementalité, d'une certaine façon, de gouverner. Gouverner, dit-il, c'est agir sur les actions des autres. C'est modifier les conduites des individus ou s'efforcer de modifier les conduites d'autrui. Or, pour gouverner les autres, il me semble qu'il y a une espèce de précondition générale, en tout cas pour s'autoriser à gouverner les autres. C'est un problème de légitimation. Pour s'autoriser à gouverner les autres, ben, il faut avoir l'idée que les autres, en question, ils sont incapables de se gouverner tout seuls. Donc, une légitimation générique du gouvernement des autres, c'est l'incapacité des gens de se gouverner eux-mêmes. C'est intéressant d'ailleurs parce que on peut faire, je vais essayer de ne pas me lancer là-dedans, mais une distinction avec la question de la souveraineté. En philosophie politique, vous le savez aussi bien, peut-être même mieux que moi, essentiellement la question du pouvoir est la question de la souveraineté. Et la question de la souveraineté est souvent liée aux questions de légitimation de la souveraineté. Il n'y a pas de question plus bateau en philosophie politique que qu'est-ce qui légitime le souverain à être souverain. Et donc la question est bien que la légitimation de la souveraineté vient toujours dans une qualité particulière du souverain. Il est dépositaire de la sagesse idéale. Il est dépositaire de la volonté divine. Il est dépositaire du suffrage universel. Nombre de légitimation de la souveraineté, mais la souveraineté, d'une manière générique, se rapporte toujours à une qualité particulière du souverain. Il me semble que la gouvernementalité se rapporte de façon tout aussi générique à un défaut du gouverné. Non pas une qualité spéciale du gouvernant, mais un défaut particulier du gouverné, c'est-à-dire ce qui empêche le gouverné de se gouverner tout seul et qui justifie donc qu'il faille le gouverner. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour gouverner les autres, il faut avoir, d'une part, la conviction qu'ils sont incapables de se gouverner tout seuls, et d'autre part, une idée de la manière dont ils se conduisent lorsqu'ils ne sont pas gouvernés. Manière déplorable qui justifie précisément de les gouverner. Ce qui veut dire qu'il y a nécessairement corrélé à tout art de gouverner une conception plus ou moins explicite, plus ou moins implicite de la condition humaine. Voilà comment ils sont, et c'est donc pour ça qu'il faut les gouverner. Alors, toute conception de la condition humaine n'est pas forcément valable, ne s'articule pas forcément bien avec un art de gouverner. Encore une fois, au niveau générique. La généalogie viendra ensuite. Pour qu'une conception, pour qu'une représentation de la condition humaine, pour qu'une anthropologie morale, pour le dire comme ça, puisse se corréler à un art de gouverner, ben il faut que deux conditions très simples soient remplies. La première, c'est qu'il faut que l'on attribue aux êtres humains une propension malheureuse, propension à faire le mal, ou en tout cas une propension malheureuse qui a un mauvais penchant, si vous voulez, qui les empêche de se gouverner tout seuls. Parce que s'ils n'étaient pas affectés de cette propension malheureuse, eh bien, il n'y aurait pas de raison de les gouverner. Donc, les mauvais penchants... Vous entrez. Les mauvais penchants, ils expliquent pourquoi il faut gouverner. Mais en même temps, il est non moins indispensable que les mêmes individus soient dotés d'heureuses dispositions. D'une au moins bonne disposition. Parce que s'ils n'avaient que des mauvais penchants et pas de bonne disposition, eh bien, ils seraient proprement ingouvernables. Ce qui veut dire que si le mauvais penchant est ce qui rend le gouvernement nécessaire, la bonne disposition est ce qui rend le gouvernement possible. Et non seulement il le rend possible, mais il indique même comment il faut gouverner. Qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement ? Puisque qu'est-ce que sera un bon gouvernement ? Eh bien, un bon gouvernement, c'est ce qui va stimuler les bonnes dispositions des individus au détriment de leurs mauvais penchants. Donc ça, si vous voulez, c'est mon cadre théorique général qui me permet de définir mes histoires de la condition humaine en tant qu'elles se rapportent à chaque fois à un art de gouverner. Alors, dernier point théorique, ceci dit donc, si jusque-là vous admettez mes hypothèses de départ, ça ne veut évidemment pas dire que la représentation de la condition humaine qui correspond à un art de gouverner, qu'elle est simplement une espèce d'invention idéologique ad hoc faite pour justifier le gouvernement. Un instrument aux mains des gouvernants qui leur permettent de gouverner les gens en expliquant « puisque vous êtes comme ça, je vous gouvernerai comme ci ». En réalité, il me semble que les rapports entre art de gouverner et représentation de la condition humaine sont plus complexes. Ce sont des rapports qu'on pourrait dire à la fois de présupposition et de modification réciproque. C'est-à-dire qu'une représentation de la condition humaine peut certes être invoquée, même convoquée par des gouvernants pour justifier ce qu'ils font, mais cette même représentation de la condition humaine peut également être convoquée pour contester un gouvernement. Inversement, il peut arriver que l'institution d'un nouveau mode de gouvernement bouleverse la représentation de la condition humaine. Mais il peut aussi arriver qu'un nouveau gouvernement se revendique, se réclame d'une condition humaine déjà acceptée, en expliquant qu'il est le gouvernement fidèle à cette représentation, supposée évidemment juste, de la condition humaine. Par exemple, parce que là, j'ai donné beaucoup de termes creux, en tout cas gris théorique sans chair, par exemple, la condition chrétienne, ou pour être plus précis, la condition augustinienne, fondée par la cité de Dieu d'Augustin, nous assure que les hommes sont affectés, c'est leur mauvais penchant, d'une terrible cupidité. Ils sont assujettis à un amour cupide, un désir, une concupiscence virulente, qui s'exprime à la fois par l'orgueil, par la concupiscence charnelle et par l'avarice, et dont ils sont prisonniers, auxquels ils sont assujettis. Or, du point de vue augustinien, cet assujettissement des hommes à la cupidité va être le fondement même du pouvoir de l'Église. Le gouvernement ecclésiastique va précisément se justifier, ça se passera au moment de la controverse entre Augustin et les Pélagiens expliquant que pas du tout, les hommes ont un libre arbitre et peuvent se débrouiller avec leur libre arbitre et suivre de leur propre chef les commandements divins. Évidemment, Augustin y voit une grande menace pour le pouvoir ecclésiastique, il n'y aura pas du tout. Depuis le péché originel, les hommes sont impuissants à maîtriser leur cupidité, à maîtriser leur concupiscence, et c'est ça qui justifie un gouvernement ecclésiastique. Mais c'est au nom de cette même cupidité assujettissante que, bien plus tard, Luther, par exemple, ne sera pas le premier, mais il sera en tout cas le plus décisif, va contester le pouvoir de l'Église. Et en particulier, va contester le pouvoir de l'Église qui sera, depuis saint Thomas, fondé sur la possibilité pour les fidèles de gagner leur salut par leurs œuvres et donc en exerçant leur libre arbitre. Donc cette même conception... Excusez-moi monsieur, je cherche un signe sur le capitalisme émotionnel. Oh, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne sais pas si on peut faire confiance. Donc, encore une fois, on voit bien qu'une même conception de la condition humaine, en tout cas un même mauvais penchant, peut tour à tour servir à conforter ou à contester un mode de gouvernement. On peut prendre d'autres exemples dans la deuxième type de condition dont je vais traiter, qui est la condition libérale, mais qui va être fondée sur l'idée de l'intérêt. Cette fois-ci comme heureuse disposition. L'intérêt, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre son intérêt, qui, comme Albert Hirschman l'avait bien montré dans son fameux livre « Les passions et les intérêts », n'est pas une invention libérale, mais est une invention des théoriciens de la raison d'État, donc des conseillers des princes absolutistes, qui cherchent précisément à renforcer le pouvoir de la monarchie, renforcer l'État-nation, et vont se dire sur quoi est-ce qu'on va pouvoir fonder le renforcement de notre pouvoir, sur quoi est-ce qu'on va surtout pouvoir fonder la mobilisation de la population dont nous avons besoin pour renforcer l'État. Et les intérêts, les gens ont des passions qui les rendent plutôt ingouvernables, mais heureusement ils ont aussi des intérêts qui les rendent gouvernables. Et pourquoi ? Parce que les intérêts, c'est de l'ordre du calcul, et si les gens calculent, eh bien on peut calculer leurs calculs, et donc on peut agir sur leurs actions. Donc ça, ce sont les théoriciens de la raison d'État qui l'inventent, en tout cas qui l'imposent, mais les libéraux vont le reprendre en disant « Oui, nous sommes bien des sujets d'intérêt, comme vous dites, mais c'est précisément pour ça qu'il faut nous laisser tranquilles. C'est précisément pour ça qu'il ne faut pas chercher à nous gouverner, parce que c'est en poursuivant nous-mêmes nos intérêts sans que vous nous disiez quoi faire, que d'une part nous assurerons notre propre bien-être, mais en plus nous assurerons la prospérité maximale de la collectivité et donc de l'État. » Donc, encore une fois, une appropriation critique d'une même disposition fondamentale de la condition humaine, mais cette fois-ci non plus pour conforter un mode de pouvoir, mais au contraire pour le contester. Donc voilà. Donc, de ce rapport de présupposition réciproque, mais aussi de possibilité de modification réciproque entre un art de gouverner et une représentation de la condition humaine, il me semble que ça permet quoi ? Ça permet précisément une perspective, je crois, en tout cas j'ai intérêt à le croire, riche sur les arts de gouverner, sur une histoire des arts de gouverner. Les arts de gouverner, après tout, on peut les envisager du point de vue de quoi ? Du point de vue des principes dont ils se réclament, du point de vue des techniques qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils inventent, du point de vue des finalités qu'ils se donnent. Il me semble que l'on peut aussi les envisager du point de vue de la représentation de la condition humaine qu'ils se font et sur laquelle ils s'appuient. Et c'est d'autant plus enrichissant que précisément cette représentation de la condition humaine, elle peut tout à la fois servir à conforter un art de gouverner, mais elle peut aussi et tend à être un point de vue particulier sur un point de vue particulièrement fécond de sa contestation, de sa critique. Ce qui m'amène, avant que je ne me lance véritablement, à la proposition politique de mon projet, qui consiste à dire ceci. Si effectivement il y a un rapport de corrélation entre un art de gouverner et une représentation de la condition humaine, entre un art de gouverner et une anthropologie morale. Et si effectivement on constate que la contestation des arts de gouverner se font d'ordinaire du point de vue même de la représentation de la condition humaine qui leur est corrélée. Alors, si on peut dire qu'il existe, si on admet que l'art de gouverner qui est auquel nous sommes assujettis aujourd'hui est un art néolibéral, et si cet art néolibéral est corrélé à une condition néolibérale, alors ce serait effectivement en épousant, en embrassant cette condition néolibérale que l'on pourrait peut-être le plus efficacement contester l'art de gouverner néolibéral, si tant est qu'on ne le trouve pas particulièrement attirant ou sympathique. Ça, ce serait la proposition politique de l'affaire. Puisqu'en effet, par exemple, pour prendre un exemple simple et évident, qu'est-ce que c'est que, du point de vue, non, je me place évidemment, qu'est-ce que c'est que le socialisme, sinon une appropriation du sujet d'intérêt ? Une appropriation du sujet d'intérêt libéral, mais en disant, oui certes, nous sommes des sujets d'intérêt comme vous dites, à ceci près que nos intérêts ne sont pas des intérêts individuels, mais sont des intérêts de classe. Et c'est précisément, je pourrais le développer, mais juste pour vous donner en une proposition, cette appropriation critique du sujet libéral, de la condition libérale, qui va permettre le développement du mouvement ouvrier, puisque précisément, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat ? Qu'est-ce que c'est qu'un parti ouvrier ? C'est un parti qui se fonde sur la solidarité entre un certain nombre de personnes ayant les mêmes intérêts ou des intérêts semblables. Bien. Donc, jusqu'ici, je peux me permettre d'avancer que il y aurait une condition corrélée à un art de gouverner néolibéral qui se caractérise par exemple par une économie fondée sur le crédit, c'est-à-dire une financiarisation des stratégies d'entreprise, une adaptation du gouvernement public de l'État aux logiques managériales, une reformulation des politiques sociales autour de la notion du retour au travail. Bref, un ensemble de techniques de gouvernement définirait ou serait corrélé à une certaine représentation de la condition humaine. Ça, c'est une première chose. Mais Là où la proposition serait plus téméraire consisterait à dire que à cet art de gouverner serait corrélée une condition nouvelle, une représentation nouvelle de la condition humaine. Ça, c'est une il me semble que c'est une hypothèse beaucoup plus téméraire, et encore c'est un euphémisme, dans la mesure où on constate que s'il y a bien une histoire des représentations de la condition humaine, donc une histoire des anthropologies morales, en tout cas, si on regarde, si on embrasse, si on brosse la histoire occidentale, on se rend compte que c'est une histoire très lente. Il me semble en effet qu'entre la fin de l'Antiquité et la fin du XXe siècle, il y a eu en gros deux grandes conditions, deux grandes représentations de la condition humaine qui se sont successivement imposées. Non sans tâtonnement, non sans rivalité, non sans avorton de représentations de la condition humaine qui ne sont pas passées, qui ne se sont pas cristallisées, mais en tout cas, il me semble qu'il y a deux grands blocs. Le premier, qui domine en gros de la fin du 5e siècle jusqu'au 17e siècle, et qui est donc cette condition augustinienne. Comme je veux arriver à ma condition néolibérale, je serai épouvantablement schématique sur les deux précédents, et en particulier sur celle-là, parce que la condition libérale, l'enjeu est plus grand. Donc cette condition augustinienne, pour le dire très schématiquement, elle est fondée sur quoi ? Sur une opposition entre cupidité et charité. C'est-à-dire, d'un côté, nous sommes, depuis le péché originel, complètement assujettis à cet amour cupide, à ce désir lancinant que nous ne pouvons ni assouvir, ni maîtriser, ni éradiquer, et qui s'exprime tout à la fois dans l'avarice, dans l'orgueil et dans la concupiscence charnelle. Et la seule chose qui fait contrepoids à cette cupidité, c'est la charité que Dieu a déposée dans son immense miséricorde, a déposée dans nos cœurs. Charité qui consiste en quoi ? Qui consiste à nous donner quoi ? Quel est le c'est un don de Dieu, mais qu'est-ce que nous donne Dieu en nous mettant la charité dans notre cœur ? Eh bien, il nous donne le pouvoir de donner. La charité, bien sûr, elle n'est pas là pour satisfaire nos désirs cupides, elle est là pour, a priori en tout cas, pour nous donner l'envie de donner, la possibilité, le pouvoir de donner. Toute la question, c'est comment accéder à cette charité que Dieu a déposée dans notre cœur. Et là, il y a donc l'autre grand couple d'affect augustinien, c'est que dès lors que l'on se rend compte que l'on est assujetti à la cupidité, deux possibilités. Ou bien on se dit, je peux me débrouiller avec ça, c'est-à-dire je peux l'assouvir. Ou au contraire, moi je suis costaud, je peux la contrôler. Ou encore, je peux même l'éradiquer complètement. Fût-ce même parce que Dieu me le dit. Ces trois solutions, ces trois réactions plus exactement, pour saint Augustin, c'est l'orgueil dans toute son horreur. Que l'on croit pouvoir assouvir, maîtriser ou éradiquer les différentes formes de cupidité, c'est le même orgueil. C'est-à-dire, on reproduit le péché originel, donc on s'enfonce dans le péché. L'autre possibilité, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'humilité. Être humilié par cette cupidité qui m'assujettit. Trouver que, quelle horreur, ce que je suis, moi qui suis totalement assujetti et prisonnier de ces désirs avares, lubriques et orgueilleux qui me transissent de part en part et qui m'assujettissent complètement. Et précisément, si je suis suffisamment humilié, si j'en conçois suffisamment d'humilité, cette humilité est la voie d'accès à la charité, puisque me rendant compte à quel point je suis un type épouvantable, je me rendrai compte de l'extraordinaire miséricorde divine qui, en dépit du fait que je suis un type épouvantable, m'a néanmoins déposé de la charité dans mon cœur, et donc je pourrai y accéder. C'est vraiment le résumé le plus succinct que l'on peut donner de la condition augustinienne, mais en gros, ça fonctionne sur ces deux couples d'affects, charité, cupidité, d'un côté, humilité, orgueil de l'autre, et avec les possibilités de faire un cercle vicieux ou un cercle vertueux entre le désir et le don. Je suis un sujet de désir d'emblée et il faut que j'accède au don. Et Mais l'affaire est plus subtile, mais je ne vais pas m'y arrêter, puisque ce que montre Augustin, c'est que on n'est pas simplement dans deux couples d'opposés, mais on est dans un cercle vertueux. Ou vicieux, mais on est possiblement dans un cercle vertueux, dans la mesure où précisément le désir, ma conscience du désir, pour autant qu'elle m'humilie, est la voie d'accès à la charité. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, ce que je dois découvrir, c'était que le véritable objet de mon désir, c'était de donner. Mon désir était un désir de don, mais seule l'humilité pouvait me l'apprendre. Ça, c'est en gros l'éthos augustinien, qui sera l'éthos chrétien jusqu'au XVIIe siècle, mais c'est aussi la justification, la légitimation du gouvernement. D'abord du gouvernement de l'Église, du gouvernement des clercs. Qu'est-ce qu'ils font, les clercs? Eh bien, précisément, c'est quoi le gouvernement des clercs? C'est le gouvernement des humbles. La qualité du clerc, c'est l'humilité, et c'est précisément parce qu'il est humble qu'il peut enseigner l'humilité aux fidèles, et par conséquent, le gouvernement sera un gouvernement de stimulation de l'humilité, c'est-à-dire un gouvernement fondé sur l'humiliation, si on peut dire les choses comme ça. Mais pour la bonne cause, c'est-à-dire pour permettre aux gens d'accéder à la charité. Bien. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que le temps file, mais il est très intéressant de remarquer que ce rapport entre le désir et le don, rapport à la fois de polarité mais aussi de cercle vertueux, ne va pas rester à l'intérieur du domaine ecclésiastique, ne va pas seulement définir le rapport entre le fidèle et Dieu. Il va s'étendre de deux manières. Il va s'étendre d'une part à ce qu'on pourrait appeler l'éthique aristocratique, c'est-à-dire un traitement spécifique d'une des formes de cupidité qui est l'orgueil, puisque qu'est-ce que c'est l'éthique aristocratique? Eh bien, c'est le rapport entre la largesse du Seigneur et la fidélité qu'elle suscite. C'est-à-dire qu'on va avoir un même cercle vertueux. Qu'est-ce que c'est que le rapport vassalique, le rapport entre le suzerain et son vassal? Ce n'est pas du tout un échange de bons procédés où l'un donne un fief contre des services de l'autre, ou plutôt échange un fief contre les services de l'autre, non. Du point de vue de sa propre représentation, qu'est-ce que c'est que, le rapport vassalique? Eh bien, c'est la manifestation d'une pure générosité de la part du Seigneur, qui donne un fief pour rien, mais qui du coup entraîne une loyauté sans fin du vassal qui va vouloir se dévouer sans fin aussi, sans limite, pour son suzerain. Et encore une fois, c'est ce même rapport entre le désir et le don, et une manière de susciter le désir de donner et de donner le pouvoir de donner à l'autre. C'est l'éthique aristocratique. Et un deuxième mode d'appropriation profane, si vous voulez, de la condition augustinienne sera l'érotique courtoise. Cette fois-ci non plus du côté du traitement de l'orgueil, mais du côté du désir charnel, puisque qu'est-ce que veut le troubadour? Qu'est-ce que veut plus exactement l'amant défini par le troubadour? Eh bien, il veut la merci de sa dame, il veut que sa dame se donne à lui. Or, ce don n'est pas du tout quelque chose que l'on peut obtenir, parce que du coup ce ne serait pas un don, mais ce don est précisément ce qui lui permet d'entretenir sa flamme. Donc le don n'est pas la fin du rapport courtois, il en est la condition et ce qui le nourrit. C'est d'ailleurs pour ça que les troubadours peuvent à la fois vanter la merci de leur dame tout en se plaignant qu'elle est cruelle, puisque sa merci ne consiste pas à donner ses faveurs, sa merci consiste précisément à donner à l'amant le pouvoir d'aimer généreusement, quelle que soit l'issue réservée à son désir. Donc on est dans le même rapport de cercle vertueux, et rapport de cercle vertueux d'autant plus important que précisément quelle est la qualité essentielle de l'amant courtois? C'est l'humilité, très exactement comme le fidèle augustinien. Bien. Remarquablement, la seule dimension de la cupidité qui ne trouvera pas son cercle vertueux, c'est l'avarice. Si en effet on peut transformer le désir charnel en amour généreux, si on peut transformer l'orgueil du noble en loyauté, l'avarice, elle, ne se transformera jamais en générosité. Le mieux que l'on puisse en tirer, c'est précisément un échange équitable. ce qui n'est pas grave, mais ce qui n'est pas terrible non plus du point de vue augustinien. Or, précisément, la deuxième condition, la condition libérale, va partir de cela. C'est-à-dire, avec la condition libérale, je m'excuse encore une fois de mon extrême schématisme, avec la condition libérale, dont je vous ai dit brièvement que l'idée du sujet d'intérêt n'est pas une invention libérale, mais d'abord une invention des théoriciens de la raison d'État, mais néanmoins, avec le libéralisme, on va avoir une nouvelle condition. Cette nouvelle condition a des rapports évidemment avec la condition qui la précède, la condition augustinienne, dans la mesure où le mauvais penchant ne change pas beaucoup. C'est-à-dire, le mauvais penchant, c'est toujours le désir. Désir insatiable, et ce qui est très important pour la condition libérale, désir inconstant. C'est-à-dire que non seulement on a des désirs qu'on ne parvient pas à contrôler, mais en plus ils changent tout le temps. Donc vraiment, ça a l'air complètement ingouvernable. Alors si on est croyant, on les lie toujours au péché originel. Mais la condition libérale va être fondée sur le fait, de plus en plus, fondée laïquement, sur le fait que c'est précisément l'entrée en société qui va constituer cette espèce de désir immaîtrisable d'une certaine façon et inconstant. Bien, donc ça c'est du côté du mauvais penchant. Maintenant, du côté de la bonne disposition, qui va réussir à tempérer ce mauvais penchant, bien la première bonne disposition, il y en aura deux, vous verrez, mais la première bonne disposition, c'est l'intérêt. Alors qu'est-ce que c'est l'intérêt ? Bien l'intérêt, du point de vue cette fois-ci des Lumières écossaises, qui sont quand même qui donnent le fondement théorique au libéralisme, c'est-à-dire Hume, Adam Smith en particulier. Qu'est-ce que c'est l'intérêt ? L'intérêt, ben, c'est un désir comme un autre. À ceci près, donc un désir de plaisir. C'est un sujet totalement hédoniste qui ne cherche que sa satisfaction. Ceci dit, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sujet va être informé par une raison, qui est une raison purement instrumentale, qui ne portera donc aucun jugement de valeur sur le désir, mais qui s'interrogera sur la meilleure manière de l'assouvir. Et si on se met à réfléchir, d'un point de vue strictement instrumental, on se rend compte que, par exemple, si on désire un truc, bon, c'est pas vrai pour tout le monde, pour les féminines notamment, c'est pas forcément une bonne idée de se jeter sur ce que l'on désire. Et que donc, parce que si on se jette sur ce que l'on désire, eh bien, il peut y avoir des effets de représailles. Si je veux vous voler votre cassette, si je veux votre cassette et que je vous la vole, vous vengerez peut-être en me piquant ma bouteille d'eau, ce qui serait quand même très désagréable, et puis ça va s'envenimer, vous allez peut-être amener d'autres personnes qui vont m'arracher mes chaussures, enfin ça risque d'être terrible. Alors que si je négocie en disant la moitié de ma bouteille d'eau contre la moitié de votre trousse, eh ben on peut peut-être arriver à quelque chose. Et donc petit à petit, comme ça, c'est progressif, c'est graduel, la pacification du monde va se faire précisément parce que tout le monde va réfléchir à comment optimiser sa satisfaction en fonction des contraintes et en fonction des risques que le désir porte avec lui. Et donc ça, si vous voulez, c'est la manière dont petit à petit le monde se pacifie par l'échange, où chacun essaye d'optimiser sa satisfaction par l'échange. C'est donc le libéralisme. Ça ne veut pas dire que on n'a pas besoin de gouvernement. Même les plus fanatiques du laisser-faire croient au gouvernement. Le gouvernement, il est là pourquoi ? Le gouvernement, il est là précisément pour encourager les gens à échanger équitablement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire aller à l'encontre des conduites de l'ordre de la prédation ou de l'ordre de la gabégie, par la taxation ou par la répression. Mais ça veut dire surtout s'assurer que la propriété privée soit respectée, que le droit d'aliéner ce que l'on possède soit respecté, que la différence entre le sujet qui aliène et ce qui l'aliène est respectée aussi, c'est en ça que le libéralisme est un humanisme, et surtout faire en sorte que les gens tiennent leurs engagements. Puisque le fondement de la possibilité d'un monde fondé sur l'échange, enfin, qui fonctionne à l'échange, c'est précisément que les gens tiennent leurs engagements. Donc ça, c'est l'état de droit minimal défini par Hume est repris par Adam Smith. Bien. Alors, est-ce que c'est tout ? Eh bien, non. Ce n'est pas tout. La condition libérale ne se limite pas à l'intérêt. Parce que le développement de l'intérêt et de la raison intéressée, c'est très bien si ce que vous désirez, c'est le service d'une marchandise. Mais si vous désirez le sentiment de quelqu'un, si vous désirez l'expression du sentiment de quelqu'un, ben ça, c'est pas négociable. Alors certes, Adam Smith dit que pour se faire aimer, s'enrichir, c'est probablement la meilleure manière. Mais ça ne veut pas dire que en s'enrichissant, on peut acheter l'amour des autres. Ça veut simplement dire pour lui que, habituellement, les gens tendent à aimer les gens qui se sont honnêtement enrichis. Pas la même chose. Mais, plus fondamentalement, Adam Smith dit ceci. Il dit, il y a deux choses. Il y a d'une part, à l'état de nature, la vie était très rude, et ça a forgé dans notre tempérament des désirs sensuels très violents. Ces désirs sensuels très violents, c'est précisément ces désirs violents et inconstants qui nous travaillent et que l'on peut régler par l'intérêt. Ça, c'est la première partie de la condition libérale qu'on a vue. Mais ceci dit, à mesure que la société d'intérêt se constitue, ça veut dire que la société se constitue, fondée sur ces échanges. Or, dès lors que la société se constitue, naît un autre type de désir. On se rend compte soudain que on ne se connaît pas. Non pas qu'on ne connaît pas les autres, mais qu'on ne se connaît pas soi-même. Ou plus exactement, qu'on ne se connaît qu'à travers le regard des autres. Donc du coup, on est pris d'une grosse angoisse et on se dit, ben, comment ils me voient ? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Et évidemment, derrière ça, la grande question, c'est, est-ce que je suis aimable ? On peut parfois se pervertir en, est-ce qu'ils m'aiment ? Mais bon, fondamentalement, la question, c'est, est-ce que je suis aimable ? Donc, Si avec l'état de nature naît un désir de plaisir virulent qui ne sera civilisé que par l'échange intéressé, d'un autre côté, avec l'état de société naît un désir de reconnaissance, d'amour, plus exactement, de voir son amabilité reconnue. Très bien, mais une chose est de vouloir être aimé, ou plus exactement de vouloir être reconnu comme aimable. Mais d'autre part, qu'est-ce qui va faire que les gens vont vous reconnaître gratuitement comme aimable ? Parce que si on admet que dans le tempérament humain, il n'y a que des désirs et des intérêts, qu'est-ce qui amènerait quelqu'un à reconnaître gratuitement l'autre ? Alors, Adam Smith, pour sa part, développe sa notion de spectateur impartial qui est postulé, dont on espère qu'il va s'actualiser chez les autres, qui nous jugera selon nos mérites, etc. Et il nous jugera selon nos mérites, pourquoi ? Parce que lui aussi, il aimerait être jugé selon ses mérites, et donc un échange s'établira. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas tout à fait bien, ou en tout cas qui est dangereux, parce que comment est-ce qu'on va faire la différence entre l'échange désintéressé de deux spectateurs impartiaux qui reconnaissent le mérite de l'autre et l'échange intéressé de celui qui va dire je reconnais tes mérites pour autant que tu reconnaisses les miens, et du coup on retombe dans l'échange intéressé. Donc il y a une fragilité de ce côté-là. Donc c'est pas du côté d'Adam Smith qu'on aura la réponse, mais c'est du côté d'une autre tradition, sentimentaliste d'abord, développée par le romancier Richardson au XVIIIe siècle, l'auteur de Pamela et de Clarissa, et ensuite développé dans toute la littérature victorienne, à la fois les romans et la médecine victorienne, qui est de se dire, sans doute, s'il n'y avait que des hommes, on aurait un problème. S'il n'y avait que des hommes, ce désir de reconnaissance poserait un problème. Heureusement, il y a aussi des femmes. Or, c'est des femmes, mais c'est les libéraux, hein, je me fais le porte-parole. Vous verrez que je n'ai pas envie d'être plus que leur porte-parole, en l'occurrence. Heureusement, les femmes ont deux qualités que les hommes n'ont pas. Elles sont dotées d'une pudeur naturelle et elles sont dotées d'un amour toujours déjà maternel. Et ça, c'est ce qui va permettre quelque chose d'extraordinaire et de logiquement apparemment difficile à comprendre, qui est l'idée d'un échange désintéressé. Puisqu'on se dit, un échange, c'est par définition intéressé. Eh bien non. grâce à la nature féminine, on va avoir le modèle d'un échange désintéressé. Comment ça fonctionne ? Ben, ça fonctionne comme ceci. C'est le schéma du roman Pamela, mais c'est ce qu'on retrouve dans toute la littérature victorienne et dans toute la science victorienne, toute la gynécologie victorienne en particulier. Eh bien, nous avons donc des hommes qui ont des désirs, qui peuvent convertir en intérêt, mais enfin, le désir sexuel, ça ne se convertit pas en intérêt. Donc, ça commence par se manifester agressivement. L'homme désire la femme, veut se jeter sur elle. Mais il est arrêté par la pudeur de la femme qui, de la même manière que les hommes ont des désirs, la pudeur c'est aussi violent, et une femme est prête à défendre sa pudeur au péril de sa vie si nécessaire. Donc, le type, s'il n'est pas une brute absolue, va être très impressionné par la résistance qui lui est offerte. Et cette résistance va immédiatement faire qu'il va trouver que cette femme est admirable de lui résister comme ça. Et cette admiration va faire qu'elle va être le spectateur impartial par excellence par lequel il va vouloir être aimé. Et comment est-ce qu'il va réussir à être aimé, en tout cas être reconnu comme aimable par cette femme ? Précisément, non pas en renonçant à son désir, mais en suspendant son désir à l'acceptation ou à la légitimation de ce désir par, évidemment, une demande en mariage. Et dès lors qu'elle entend cette demande en mariage, cette femme qui un instant avant était prête à mourir plutôt que de donner sa vertu ou de perdre sa vertu devant les assauts de cette brute, découvre soudain qu'elle est éperdument amoureuse de cet homme qui a renoncé à son désir pour se soumettre à son bon vouloir, et du coup elle va vouloir déverser sur lui cette autre qualité spécifique qu'elle possède et qui est cet amour toujours déjà maternel de dévoué. Et dès lors qu'il reçoit cet amour dévoué, ben, qu'est-ce qu'il va vouloir l'homme ? Eh bien, il va vouloir mériter à tout prix cet amour, ce dévouement qu'il reçoit. Et comment va-t-il mériter ce dévouement ? Eh bien, en gagnant un maximum d'argent, en développant les échanges intéressés, pour pouvoir faire prospérer et rendre son foyer heureux. Et voilà comment on a un échange désintéressé qui naît précisément de cette différence sexuelle. Et c'est très intéressant parce que quand vous lisez Pamela, c'est pas toujours facile, mais enfin c'est à la fois un grand roman et c'est un peu éprouvant quand même, mais il y a une scène tout à fait extraordinaire parce que c'est le parallèle absolu de la main invisible de Smith. C'est-à-dire que de même qu'il y a une main invisible, comme vous savez chez Smith, chez Adam Smith, qui explique que ce miracle extraordinaire, que chacun poursuivant son intérêt privé va néanmoins donner naissance à la prospérité publique, eh bien, de la même manière, deux individus, l'un qui ne cherche qu'à assouvir son désir bestial, l'autre qui ne cherche qu'à résister au péril de sa vie à ce désir de l'autre, soudain, par un espèce de renversement extraordinaire, ils vont se rencontrer tous les deux, qu'ils aiment l'autre et qu'ils ne veulent rien de plus que se dévouer pour toute leur vie pour l'autre. Et donc c'est cette même main invisible, il y a tout un monologue de Pamela où elle emploie pratiquement les mêmes termes, c'est-à-dire la main de la Providence qui n'avait cessé de la suivre, alors que le type essayait de la violer une fois, deux fois, trois fois, et évidemment elle pensait qu'elle le haïssait, et en fait elle l'aimait, mais il fallait pour ça qu'il se rende compte qu'il devait arrêter de la harceler et la demander en mariage à la place. Bien. Donc, cette condition libérale, ou cette condition libéralo-victorienne, elle va se développer précisément sur un double rapport entre, d'une part, un domaine des échanges intéressés, qui est le domaine public, et d'autre part, un domaine des échanges désintéressés, dont la famille, et en particulier le couple, est le modèle par excellence. Mais les deux vont d'une certaine façon rayonner. Puisque, par exemple, à quoi va servir le gouvernement libéral ? Eh bien, le gouvernement libéral doit servir d'une part à assurer le bon fonctionnement des marchés, c'est-à-dire respect de la propriété privée et des engagements, et d'autre part, assurer la bonne reproduction de la vie familiale et des familles, en particulier en s'assurant que les femmes restent à la maison, puisque c'est seulement de la maison que leur pudeur et leur amour maternel peuvent véritablement rayonner sur le monde. Mais ces deux modèles de l'échange intéressé et de l'échange désintéressé vont en plus rayonner autrement. C'est-à-dire que le rapport entre gouvernant et gouverné va s'articuler avec l'État-nation libérale selon les deux modalités. En effet, d'une part, les citoyens ont un rapport d'échange intéressé avec l'État. Je paye mes impôts et je veux que l'État remplisse ses devoirs pour bien utiliser l'argent de mes impôts. Et s'il ne le fait pas, je ne le réélirai pas à l'élection suivante. Donc, rapport d'échange intéressé entre l'administré citoyen, le contribuable citoyen et l'État, mais aussi échange désintéressé entre la nation et ses enfants. Rapport d'échange désintéressé des individus à la nation, à tel point qu'en cas de guerre, la nation peut demander le sacrifice de la vie à ses enfants, et on est dans le cadre d'un échange désintéressé. En contrepartie, bien sûr, la nation, comme vous savez, elle vous donne cette identité nationale qui nous est si chère. Donc, très schématiquement encore, la condition libérale fonctionne comme ça. Ceci dit, assez rapidement, on va avoir... Là, il me reste combien de temps, là ? Assez rapidement, c'est le régime libéral, les gouvernements libéraux associés à cette condition libérale vont être assaillis par trois critiques. Et trois critiques qui vont précisément s'appuyer sur la condition libérale telle que je l'ai définie, c'est-à-dire sur cette opposition entre échange intéressé et échange désintéressé. Ou plus exactement, ce partage de la condition humaine entre des mauvais penchants qui sont les désirs violents et inconstants, et puis les deux modes de civilisation de ces désirs, à savoir d'un côté la transformation de ces désirs en intérêts, et d'un autre côté la transformation de ces désirs en amour désintéressé. Ça, c'est le schéma général. Et à partir de cette condition, on va avoir trois types de contestations. Une fois très très très schématiquement. Première contestation, une contestation que l'on peut appeler romantique. Contestation romantique consiste à dire, oui en effet, il y a l'intérêt d'un côté et il y a le désintéressement de l'autre. Sauf que, contrairement à ce que disent les victoriens, l'un et l'autre ne sont pas complémentaires, mais sont alternatifs. C'est-à-dire, ne nous racontez pas que vous pouvez vivre selon l'intérêt entre 8h et 5h de l'après-midi et puis rentrer chez vous et vivre selon le désintéressement, comme le couple bourgeois est censé le faire. En vérité, il y a deux modes de vie alternatifs, le mode de vie selon l'intérêt et le mode de vie selon le dévouement, le désintéressement. Et les deux sont radicalement opposés et ne peuvent pas communiquer. Ça, c'est le principe de la contestation romantique, qui peut d'ailleurs avoir des modes d'expression politiquement radicalement différents. Ce peut être contre les compromis médiocres du monde de l'intérêt, je me retire du monde. Ce peut être contre la médiocrité du monde de l'intérêt, je veux qu'on me restitue ou bien le culte chrétien du don ou le culte aristocratique de la largesse. Mais ça peut être aussi, contre la médiocrité de l'intérêt, une révolution avec une nouvelle société fondée sur l'amour désintéressé du Seigneur. Donc, ça peut aller d'un romantisme réactionnaire à un romantisme misanthrope, à un romantisme révolutionnaire. Première contestation. Deuxième contestation, je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé plus tôt, c'est évidemment la contestation socialiste. Contestation socialiste qui consiste à dire, oui, en effet, il y a des intérêts, mais ces intérêts sont des intérêts de classe, sont des intérêts collectifs, sont des intérêts qui sont fondés par l'histoire et non pas par la nature, c'est-à-dire ce n'est pas la rude nature qui nous a donné des désirs violents que l'on peut convertir en intérêts. L'apparition de l'intérêt, c'est précisément l'apparition de la société de classe qui va diviser l'humanité entre catégories de gens définies par leurs intérêts selon la position qu'ils occupent dans le rapport d'appropriation des richesses. Est-ce à dire que le désintéressement du côté socialiste, les rapports désintéressés, ou bien n'existent pas, ou bien quand ils existent sur un mode victorien normal, d'une certaine façon, enfin une vision, ou alors une vision, c'est-à-dire que le désintéressement, ça reste une affaire liée aux qualités spécifiques des femmes et de la vie privée, ou version romantique révolutionnaire, ça vient au fait que dans le cœur du peuple, heureusement, le désintéressement a été miraculeusement préservé, alors que chez les bourgeois, il n'y a plus que de l'intérêt. Certains socialistes seront en effet romantiques, certains socialistes seront en effet victoriens, mais d'un point de vue marxiste rigoureux, il y a une autre manière de penser le rapport entre l'intérêt et le désintéressement, et c'est précisément la spécificité du prolétariat. En effet, contrairement aux autres classes, cette classe qui n'en est pas une, le prolétariat, cette classe qui est la préfiguration de la société sans classe, est une classe qui a ceci de particulier que lorsqu'elle poursuit ses intérêts, elle poursuit les intérêts de l'humanité. Et ce faisant, elle dépasse et résout l'opposition, la contradiction entre l'intérêt et le désintéressement. Donc ça, c'est la deuxième grande contestation de la condition libérale. La troisième, c'est la première vague féministe. Les premières féministes ont également contesté la condition libérale, et en particulier le versant victorien de la condition libérale, mais de façon intéressante, elles ne vont pas du tout contester la différence de tempérament entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire cette idée que les hommes sont à la fois libidineux, mais capables de convertir leur libido en intérêt, et les femmes, elles, du fait de leur utérus fragile, sont incapables de sublimer leur libido en intérêt, mais en revanche sont dotées de pudeur et d'un amour toujours déjà maternel. Elles ne vont pas tellement contester cette idée que le désir appartient aux hommes et le don appartient aux femmes, mais vont plutôt dire précisément parce que nous sommes plus généreuses que vous, précisément parce que nous avons une faculté à la sollicitude, à la tendresse, au désintéressement, c'est pour ça que vous devez nous ouvrir les portes de la sphère publique. C'est précisément pour civiliser encore plus le monde qu'il faut l'ouvrir aux qualités féminines. Et donc ce sera la contestation du féminisme victorien, ou en tout cas de la première vague féministe, en particulier dans les pays protestants, mais pas uniquement. Et ce sont donc des contestations très hétérogènes, mais dont l'intersection de leurs critiques, c'est une critique de l'intérêt. Une critique, en tout cas, de la vision utilitariste et individualiste de l'intérêt. Ce qui veut dire que la réaction des démocraties libérales, la réaction des régimes libéraux, ça va être de essayer de réévaluer, en tout cas d'étendre un peu, de conjurer les attaques dont elles sont l'objet, en donnant plus d'espace et plus de temps au rapport des intéressés. Alors ça va prendre deux phases. Une première phase, ce sera d'abord le moment impérialiste, le moment nationaliste. C'est-à-dire que les rapports désintéressés que l'on va d'abord essayer de galvaniser ou d'exalter, ça va être les rapports entre les individus et la nation. Ce qui va d'abord donner l'horreur de la Première Guerre mondiale et qui va en plus, après la Première Guerre mondiale, donner une version monstrueuse de la condition libérale qui va être l'homme nouveau, fasciste et nazi. Mais on peut en parler dans la discussion, mais je ne vais pas me lancer là-dessus. Mais l'autre voie qui va s'installer à partir des années 20-30 jusqu'aux années 70, ça va être la voie du libéralisme mitigé. La voie à la fois du fordisme et du keynésianisme, de l'état-providence et de la société de consommation. C'est-à-dire qu'en effet, on va s'efforcer de... On se rend compte que les coûts de reproduction de la société libérale sont plus élevés que prévu et qu'il va falloir payer ces coûts. Ça signifie quoi ? Ça signifie, pour faire face à la critique socialiste, une augmentation des services sociaux, des investissements publics, une intervention de l'État, une extension, d'une certaine façon, des échanges désintéressés ou des rapports désintéressés qui vont gagner sur la sphère privée de l'échange intéressé. pour répondre à la contestation féministe, eh bien, de même, à la fois, qu'est-ce qu'on va faire dans la mesure où les femmes s'obstinent à vouloir entrer dans la sphère publique, où elles s'obstinent à vouloir avoir une vie autonome et sortir de la dépendance, de l'état de dépendance de la société victorienne, eh bien, encore une fois, on va avoir une substitution au dévouement décroissant des femmes. À leur dévouement décroissant, on va substituer des services sociaux et des produits de consommation, objets ménagers et autres, qui vont, enfin appareils ménagers et autres, qui vont limiter, qui vont répondre d'une certaine façon au dévouement décroissant des épouses. Et pour répondre à la contestation romantique du caractère aliénant de la société libérale, eh bien, on va petit à petit desserrer ce qui est, alors je n'ai pas parlé spécifiquement, mais qui est inclus dans l'idée du sujet d'intérêt. Le sujet d'intérêt, c'est le sujet qui optimise son plaisir en le différant. Le principe du passage du désir à l'intérêt, c'est précisément de se dire que si je suspends la satisfaction de mon désir d'aujourd'hui à demain et de demain à après-demain, ben je pourrais avoir plus après-demain que demain et plus demain qu'aujourd'hui, et par conséquent une valorisation du désir non pas transcendé, non pas renversé en don comme dans la condition augustinienne, mais du désir différé. Or là, précisément, pour répondre à l'existence fondée sur ce désir différé, eh bien, un relâchement de l'éthos puritain, pour le dire comme ça, ou de l'éthos du premier libéralisme, du premier libéralisme, c'est-à-dire un éthos fondé essentiellement sur l'accumulation et la réserve du plaisir, avec un relâchement de la possibilité d'assouvir son désir immédiatement. Donc, en gros, développement de quoi ? D'une part, d'une société de consommation qui invite non pas à l'épargne, mais à la consommation, voire même à la consommation du désir, et d'autre part, le développement d'un état-providence qui essaye d'éponger autant qu'il est possible la contestation du régime libéral tout en le maintenant. Et évidemment, ce n'est pas seulement un sacrifice, puisque vous le savez, à partir des années 20 et jusqu'aux années 70, à partir du moment où les rendements de l'économie impériale vont commencer à baisser, donc les rendements de la colonisation vont commencer à baisser, le capitalisme va se reconstruire économiquement en faisant des classes salariées son principal moteur. C'est le principe même du Fordisme, de faire en sorte que l'ouvrier travaillant chez Ford, non seulement travaille efficacement grâce au travail à la chaîne, mais en plus est suffisamment payé et a suffisamment de temps libre pour pouvoir acheter les voitures qu'il construit et pour pouvoir consommer les produits, et qu'il ait le temps de consommer les produits de la société de consommation. Et par conséquent, la demande des classes salariées va être le moteur principal de l'expansion, de la nouvelle expansion du capitalisme. Très bien. Bon. Donc ça, c'est cette condition libérale mitigée qui va se développer, dès le New Deal aux États-Unis, qui va se développer de façon encore plus nette avec le plan Beveridge au Royaume-Uni après 1945, avec le Conseil national de la résistance et le programme de ce conseil en France à partir des années 40, à partir de 1945 également. Bref, dans tous les pays développés se développe ce modèle fordo-keynésien, si vous voulez, d'état-providence et de société de consommation, en gros jusqu'aux années 70. Sauf que ça va créer un certain nombre de nervosités chez certains libéraux. Cette idée que pour sauver le libéralisme, et en particulier pour le sauver dans la compétition avec le monde socialiste, il s'agit quand même de rendre le monde occidental plus attractif que le monde socialiste, l'idée que pour sauver le capitalisme, il faut sans cesse en restreindre l'air, la surface, que constamment les rapports désintéressés ne cessent de gagner sur la surface, sur le temps et l'espace dévolus aux échanges intéressés, ça ne peut qu'inquiéter les libéraux, et précisément on va avoir dès les années 40 le développement d'une critique de l'État-providence ou de ce fordo-keynésianisme, critique de l'État-providence de la part de ceux que l'on appelle, je crois, assez injustement les néolibéraux, même s'ils sont essentiels dans l'avènement du néolibéralisme, ils sont eux des libéraux, au sens où ils veulent restaurer à la fois l'espace et le temps dévolu aux échanges intéressés, mais aussi restaurer l'attractivité de la négociation de type libéral, aux dépens de l'assistanat et aux dépens de la soif de jouissance immédiate qui se développe en particulier dans les années 60. Et ce sera donc les trois grandes écoles néolibérales qui vont se développer, l'école ordo-libérale allemande dès 1945, l'école marginaliste autrichienne, donc c'est des gens comme Röpke et Walter Röken qui n'étaient pas particulièrement connus en France jusqu'à ce que Foucault les remette au goût du jour dans Naissance de la biopolitique, sont donc ces cours de 1979. Plus connus évidemment les néo-marginalistes autrichiens, et en particulier Hayek. Et enfin, les plus connus de tous, mais aussi les plus décisifs, l'école de Chicago aux États-Unis, c'est-à-dire des gens autour de Stigler et surtout Milton Friedman. Alors ce qui est intéressant chez eux, c'est que leur but, c'est précisément de sauver la condition libérale, de restaurer la condition libérale dont ils estiment que les politiques keynésiennes, c'est du socialisme rampant, et que petit à petit, toute la sève et tout le sang est retiré du système libéral et que le socialisme arrive, et il arrive de façon d'autant plus perverse qu'on ne le voit même pas arriver, puisque on est toujours formellement dans un régime libéral, mais de moins en moins. Mais il me semble que le paradoxe, c'est que tout en voulant restaurer une condition libérale plus vibrante, et en tout cas en voulant restaurer le régime libéral de ces mitigations fordo-keynésiennes, eh bien ils vont faire autre chose, ils vont précipiter l'avènement d'une troisième condition, d'une nouvelle condition, qui est la condition néolibérale. Alors évidemment, ils ne vont pas le faire tout seuls, mais ils vont la précipiter, mais c'est évidemment dans l'histoire économique, dans les faits économiques, que les choses vont basculer. Là encore, je vais être très très schématique pour lancer l'affaire, mais en gros, tout bascule en une année. On peut dater la naissance du néolibéralisme à 1979. 1979, c'est tout à la fois l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir au Royaume-Uni et l'arrivée de Paul Volcker à la Fed, à la Banque fédérale, à la Banque centrale américaine, aux États-Unis. Or, qu'est-ce que ça va faire ? Il va y avoir deux aspects à cette naissance du néolibéralisme. Là, je dis du néolibéralisme et non de la condition néolibérale. Un aspect destructeur et un aspect créateur. L'aspect destructeur, c'est quoi ? C'est que quel était au fond la cible, l'ennemi des hyper-libéraux, ou néolibéraux, ou proto-néolibéraux, tels que Milton Friedman et les autres membres de l'école de Chicago, et les Autrichiens aussi. C'était la grande entreprise. C'était la grande entreprise fordiste. C'était cette grande entreprise, née dans les années 20, développée ensuite dans les années 30 et encore plus dans les années 60. Cette grande entreprise qui fonctionnait par intégration verticale de toutes les activités, depuis les matières premières jusqu'au marketing, qui était aussi et surtout les grands bastions du pouvoir ouvrier, du pouvoir syndical. Elle était donc le pivot même de ce régime keynésio-fordien, de ce régime du capitalisme industriel et du libéralisme mitigé, où la main invisible du marché s'était retirée au profit de la main très visible des managers, expression consacrée pour parler de cette époque du capitalisme industriel. Mains visibles des managers, et qu'est-ce que faisaient ces managers avec leurs mains visibles? Eh bien, ils essayaient précisément d'arriver à un compromis. Un compromis qui faisait qu'on pouvait satisfaire à la fois les salariés en leur donnant des salaires et des conditions de travail suffisamment décents, et les actionnaires en leur donnant des dividendes suffisamment décents, mais surtout en les persuadant les uns et les autres que la meilleure chance pour les uns de voir leur salaire continuer à augmenter et pour les autres de voir leurs dividendes continuer à augmenter, c'est qu'un maximum soit réinvesti dans l'entreprise elle-même, qu'un maximum du chiffre d'affaires dégagé, des revenus d'exploitation dégagés soit réinvesti dans l'entreprise pour pouvoir pérenniser autant qu'il est possible le profit et pouvoir du coup accepter une augmentation graduelle des salaires, une augmentation graduelle des dividendes. Ça, c'était ce système-là, et c'est ce système-là qui, précisément, était, comment dire, asymptotiquement favorable aux salariés. Dans la mesure où ils parvenaient à faire entendre leurs revendications, et du coup, il y avait effectivement, bien plus lentement que Marx avait prévu, mais néanmoins, une décroissance des taux de profit, ou en tout cas, une décroissance des dividendes ou des revenus du capital du fait de ce système. Et donc, il s'agissait d'abattre ce système. Or, ce système, heureusement, pour ceux qui voulaient l'abattre, était déjà un peu vermoulu. C'est-à-dire que ce à quoi on avait assisté depuis longtemps, c'était d'une part le fait que la demande était de plus en plus diversifiée. Et que donc, la demande de produits, à mesure que les gens s'enrichissaient, ils demandaient des produits de plus en plus diversifiés, qui étaient donc de moins en moins adaptés à ces grandes entreprises de type fordiste. Donc il y avait déjà une tension de ce côté-là. En plus, il y avait l'émergence, le début de l'émergence de certains pays où précisément le prix du travail était moins cher et donc une tension de ce côté-là. Bref, c'est les années 70, c'est les années d'inflation, c'est aussi le grand moment des mouvements sociaux 68-art et post-68-art qui fait que ces mouvements sociaux font tellement peur que l'on offre sans cesse des augmentations de salaire. Ces augmentations de salaire ne suffisent pas, on réorganise le travail, on diminue le temps de travail aussi. Bref, il y a une espèce de course qui fait très peur évidemment aux détenteurs de capitaux et qui ne fait que renforcer l'inflation et en plus la stagflation du fait des chocs pétroliers qui vont, au moment même où les demandes salariales sont de plus en plus fortes, vont renchérir les coûts de production puisque le pétrole est bien plus cher. Donc le système est assez vermoulu et il va être abattu en 1979 par le fait que les monétaristes arrivent au pouvoir avec Paul Volcker soutenu par Milton Friedman et on va augmenter les taux d'intérêt. Et cette brutale augmentation des taux d'intérêt va complètement détruire le système fordiste, ça va être le coup de grâce. Mais ça, ce n'est que la partie destructive de l'affaire. La partie constructive, c'est qu'au moment même où on relève les taux d'intérêt, on se lance dans un grand mouvement de dérégulation des mouvements de capitaux. Et ça, ça va changer radicalement tout. Jusque-là, les capitaux, les mouvements de capitaux étaient très taxés et très régulés. Le fait qu'il y ait une dérégulation des mouvements de capitaux va faire qu'immédiatement, il va y avoir une masse extraordinaire de liquidité qui va se constituer et qui peut circuler n'importe où. Et qui ne va cesser de grandir puisque ces capitaux dérégulés vont se concentrer dans des organismes tels que les fonds d'investissement, banques d'investissement, fonds de placement, etc., qui vont être de plus en plus gros et de plus en plus puissants, de plus en plus mobiles aussi, qui vont être de plus en plus intéressants, ce qui veut dire que de plus en plus d'épargnants veulent leur confier leur épargne. Et du coup, on va avoir cette espèce d'immense masse de liquidités qui va pouvoir dicter ses conditions à la production économique, à la production industrielle. Ce qui veut dire qu'on va assister à une extraordinaire réorganisation de la production, qui va avoir deux aspects. D'un côté, dans les pays riches ou dans les régions les plus riches, les entreprises vont se concentrer sur ce qu'elles appellent leur cœur de métier, c'est-à-dire les activités les plus rentables, et vont essayer de se débarrasser autant qu'il est possible du travail, et en particulier du travail non qualifié. Réduire autant qu'il est possible le travail non qualifié. Quant aux industries et aux branches qui ne peuvent pas éviter d'être consommatrices du travail non qualifié, elles vont ou bien se délocaliser là où le travail est beaucoup moins cher, ou bien recourir à des systèmes de sous-traitance avec des sous-traitants qui ne seront pas soumis aux mêmes conditions salariales. Ce qui veut dire que ce sera, on va avoir une espèce de recomposition du monde industriel. La grande entreprise va se décomposer pour se recomposer en grands ateliers dans des régions où les salaires sont bas, et d'autre part, des entreprises qui vont être très peu consommatrices de travail non qualifié et qui vont donc se concentrer sur des activités rentables. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être dans un nouveau système, et c'est un système radicalement différent, où le principal financement de l'économie va venir de ces marchés financiers, va venir de ces grands organismes financiers. Qui vont pouvoir faire quoi ? Qui vont pouvoir fixer, non pas comme c'était le cas avec le capitalisme industriel, on fixait un objectif de chiffre d'affaires, de revenus d'exploitation, et puis l'augmentation des salaires et des dividendes dépendait de cela. Là, ils vont pouvoir fixer un retour sur investissement. Nous vous donnons de l'argent pour autant qu'on ait nos 15%. Si on a nos 15%, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites ce que vous devez pour qu'on ait de toute façon nos 15%. Ce qui veut dire ou bien précariser le travail de façon radicale, ou bien se concentrer sur des activités extrêmement rentables. Mais plus que ça, c'est une réorganisation profonde de ce qu'est l'activité économique, ce qu'est l'activité d'une entreprise. L'activité d'une entreprise, ça devient quoi ? Ça devient essentiellement tenir le coût des 15%, ce qui veut dire quoi surtout ? Ça devient se rendre attractif pour les marchés financiers. Ce qui veut dire qu'on a une véritable révolution de la gouvernance d'entreprise. On est toujours dans la main visible du manager, mais ce n'est plus du tout le même manager. Le manager de l'époque fordo-keynésienne était un manager dont le talent consistait à convaincre salariés et actionnaires de privilégier le réinvestissement et l'autofinancement. Le nouveau manager, il n'est plus là pour faire du profit, pour optimiser les revenus d'exploitation, il est là pour assurer le crédit de son entreprise. Et ce n'est plus du tout le même régime. Son talent, c'est quoi ? Son talent, c'est d'attirer les investisseurs. C'est de rendre son titre attractif pour les investisseurs. Ce qui veut dire attirer les actionnaires et attirer les prêteurs. Ce qui veut dire que l'autofinancement, loin d'être la qualité par excellence de l'entreprise, devient le défaut par excellence. Ce qui est une bonne entreprise, c'est une entreprise qui attire les prêteurs, donc qui s'endette. Mais qui précisément, en dépit du fait qu'elle s'endette, continue à attirer les prêteurs, ce qui veut dire que la valeur de son titre augmente. Pourquoi la valeur de son titre augmente ? Parce que des gens veulent acheter des actions et parce que des gens veulent lui prêter de l'argent. Et c'est évidemment un tout autre métier, un tout autre type d'entreprise, une tout autre manière de considérer l'activité économique. Le profit a disparu, enfin n'a pas disparu, mais n'est plus l'objectif principal. L'objectif principal, c'est le crédit. Ce qui veut dire d'une certaine façon que déjà au niveau de la gouvernance entrepreneuriale, on est sorti de la condition libérale. La condition libérale, encore une fois, c'est quoi ? C'est maximiser son intérêt. Maximiser son intérêt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire optimiser son profit à long terme. Là, il s'agit de maximiser son crédit à court terme. Comme le dit bien Keynes, c'est la logique même de la bourse. La logique même de la bourse, c'est que à la bourse, on n'achète pas un titre parce qu'on croit qu'il va produire des revenus à long terme. On achète un titre parce qu'on croit que le marché pense que ce titre va, la valeur de ce titre va augmenter dans les 6 mois qui viennent. Évidemment, ce n'est plus du tout le même art de gouverner, ce n'est plus du tout le même art de se conduire et de se comporter. Et c'est un tout autre, c'est une tout autre condition. Bien. J'ai encore 3 minutes. Ben oui. Non ? Si. Donc ça, c'est au niveau de la gouvernance entrepreneuriale. Mais, précisément, la question est de savoir... Bon, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les entreprises qui ont une nouvelle personnalité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés par leur crédit que par leur profit. Qui poursuivent davantage l'appréciation du titre que leur intérêt. C'est-à-dire, j'en viens à ce qui est le cœur de mon histoire, c'est-à-dire que l'objectif, ce que poursuit l'entreprise, ce n'est pas de maximiser ses revenus, ce n'est pas d'optimiser son intérêt, c'est de s'apprécier. C'est l'appréciation du titre. Et l'appréciation du titre ne correspond pas du tout aux mêmes critères que l'optimisation du profit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est vrai pour l'entreprise va être vrai pour l'État aussi. En effet, les États, les gouvernements, ne vont pas seulement conforter cette nouvelle gouvernance d'entreprise. Et comment est-ce qu'ils vont la conforter ? Ben, ils vont la conforter de 2 manières. Ils vont la conforter, d'une part, en encourageant les classes moyennes à placer leur argent, à placer leurs économies dans les marchés financiers. Dès lors que les classes moyennes placent leurs économies dans les marchés financiers, on va arriver à ce qui est un des facteurs essentiels de l'acquiescement des classes moyennes au néolibéralisme, qui est le fait que, alors même qu'elles savent qu'en régime néolibéral, leurs salaires n'augmenteront pas beaucoup, ou même n'augmenteront pas du tout, elles misent, pour ce qui est de leur enrichissement, sur les dividendes, sur le rendement de leur épargne. Et dès lors que je mise ma prospérité sur le rendement de mon épargne, eh bien j'acquiescerai nécessairement à toutes les mesures néolibérales, baisse des impôts, baisse des dépenses publiques, etc. Deuxième manière de faciliter la vie des entreprises néolibérales, c'est d'encourager, cette fois-ci, non plus les classes moyennes, mais les classes moyennes inférieures, voire même les employés et, la classe ouvrière, à emprunter. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'épargne à placer et qui n'ont plus ou beaucoup moins de services sociaux dont ils bénéficient, eh bien, certes, ils ne bénéficieront plus des transferts sociaux dont ils bénéficiaient jadis, mais on leur fera des facilités pour emprunter. Et dès lors que l'on emprunte, bah, il faut payer les traites. Et dès lors que l'on a des traites à rembourser, on n'a pas envie en plus de payer des impôts. Et par conséquent, deuxième manière d'assurer l'acquiescement, et donc un nouveau compromis social, d'une certaine façon, fonctionne autour du néolibéralisme, qui n'a plus du tout les mêmes conditions qu'en régime libéral mitigé, mais qui n'en est pas moins solide. Mais troisième élément, c'est que, à part certains États qui sont allés très très loin la néolibéralisation, la plupart des États, et notamment en Europe occidentale, n'ont pas pu complètement brader l'État-providence. En même temps, ils doivent être compétitifs, donc ils doivent baisser les impôts. Donc comment vont-ils continuer à payer les dépenses publiques ? Eh bien, en faisant comme les entreprises, en empruntant sur les marchés financiers. Ce qui veut dire qu'ils ont raison de dire qu'il ne faut pas abandonner l'État-providence, mais il faut le réformer. Qu'est-ce que c'est la réforme de l'État-providence à l'âge néolibéral ? C'est faire en sorte que les investissements publics soient attractifs pour les marchés financiers. Et c'est la logique même de cette politique. C'est la logique même, c'est-à-dire que ce qui est l'art de gouverner pour un politicien, cette fois-ci, ce n'est plus, il était homothétique du manager de l'ère keynésienne, c'est-à-dire il s'agissait aussi d'assurer le compromis social entre détenteurs de capitaux et salariés. Là, ce n'est plus ça. Là, c'est de mobiliser la nation pour s'assurer de la défense de la notabilité de l'État. Notabilité au sens propre, c'est-à-dire la notation des agences de notation. Il faut donc que la dette publique soit honorable du point de vue des marchés financiers, c'est ça l'objectif de la bonne gouvernance d'État, du bon gouvernement d'État. Ce qui veut dire que le gouvernement, tout comme les entreprises, s'occupe encore une fois de son titre, si je puis dire, s'occupe de l'appréciation de son titre, de son nom, et non plus de la maximisation de ses revenus. Et troisième élément, ce qui est vrai pour l'entreprise et ce qui est vrai pour l'État, je crois, l'est aussi pour les individus. C'est de ça dont j'aurais dû vous parler, mais ça serait une introduction. Il me semble que la condition néolibérale, précisément, est homologue à la fois à cette condition entrepreneuriale et cette condition gouvernementale, au sens où, précisément, on sort de la représentation d'un sujet qui à la fois essaye d'optimiser ses intérêts et en même temps de cultiver ses échanges désintéressés, s'y substitue un sujet dont la préoccupation principale, c'est de s'apprécier. De s'apprécier au double sens financier et psychologique. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de maximiser mes revenus, mais d'assurer la valorisation, l'appréciation du capital que je suis. L'estime de soi est l'affect central de cette condition néolibérale. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de s'apprécier. Alors comment est-ce que je m'apprécie ? Ben, très exactement comme un titre s'apprécie sur les marchés financiers. C'est-à-dire que c'est un nouveau cercle vertueux se constitue entre la manière dont je m'estime et la manière dont les autres, et en particulier ceux qui sont susceptibles de me donner un emploi, m'estiment. Mais c'est un rapport, encore une fois, c'est un rapport complexe, parce que c'est un rapport qui est effectivement homothétique ou homologique au rapport boursier. En effet, ce dont il s'agit, c'est d'anticiper les humeurs du marché. Anticiper les humeurs du marché, ça ne veut pas simplement dire du conformisme. Ça ne veut pas dire s'adapter à ce que le marché aime aujourd'hui. Ça veut dire réussir à deviner ce qu'il va aimer demain. C'est une marge de manœuvre. En même temps, il ne suffit pas d'être original pour plaire au marché. Les marchés n'aiment l'originalité que pour autant que c'est la centralité ou la normalité de demain. Donc, il s'agit de cultiver une originalité relative. Oui, mais relative par rapport à quoi ? Parce que le marché qui va estimer si mon originalité d'aujourd'hui est la normalité de demain ou non, peut se tromper aussi. Donc, on voit bien qu'il n'y a ni plus ni moins de jeu, au sens où on dit qu'une porte a du jeu, dans ce rapport spéculatif, puisqu'il s'agit bien de ça, à soi-même, que dans le rapport possessif à soi-même que dictait ou que définissait la condition libérale. Puisqu'en effet, qu'est-ce que c'est la condition libérale ? La condition libérale, c'est une condition de propriétaire. Nous sommes tous, du point de vue libéral, nous sommes tous des propriétaires. Certains possèdent des capitaux, certains ont moins de chance et ne possèdent que leur force de travail, mais néanmoins, nous sommes tous des propriétaires qui essayons de vendre ce que nous avons au meilleur prix. Et notre dignité, nous la trouvons. Donc notre liberté, c'est de vendre tout ce que nous avons au meilleur prix. Notre dignité, c'est de ne jamais être confondu avec ce que nous avons. Il y a une différence entre ce que je suis et ce que j'ai, et la dignité libérale, l'humanisme libéral, consiste à ne pas confondre l'un avec l'autre. La condition néolibérale est très différente. Ce n'est pas un rapport possessif, mais c'est un rapport spéculatif. Il y a un rapport spéculatif qui ne reconnaît plus la distinction fondamentale entre ce que j'ai et ce que je suis. Ce qui ne veut pas dire que la condition néolibérale, comme on le dit souvent, c'est la marchandisation de tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réduction de ce que je suis à ce que j'ai. Ça veut dire que l'opposition entre les deux n'est plus pertinente. Je suis dans un rapport où tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, dans quelque région que ce soit de ma subjectivité, est susceptible de mener à une appréciation du capital que je suis ou à une dépréciation du capital que je suis. Je ne suis pas dans l'échange, comme à l'époque libérale, mais je suis dans le placement. Dans le prêt, dans l'emprunt. Et mes conduites, ce que je fais, ne valent pas en tant que source de profit futur, mais valent en tant que possibilité d'appréciation de soi. Et il me semble, et je terminerai là-dessus, quelle est la conséquence politique que l'on peut tirer de ça? Évidemment, il faudrait que je développe beaucoup plus largement le contenu de cette condition néolibérale. Je me suis perdu dans l'introduction, mais je vous avais prévenu. C'est le problème quand on parle à ce niveau-là de l'écriture, on veut tout raconter. L'implication politique, ce serait quoi? Si effectivement, il y a une condition néolibérale de ce type, dont le concept essentiel, que je n'ai pas eu le temps de développer, est le concept de capital humain. Il me semble que, du point de vue de la contestation du néolibéralisme, il est à la fois vain et inefficace de la contester, de dire c'est dégueulasse, cette manière d'être réduit à un capital cherchant à s'apprécier, c'est horrible. C'est horrible au nom de quoi? Au nom de la condition libérale qui était si sympathique, avec l'intérêt et le désintéressement, son opposition, voire à ses origines victoriennes. Précisément, je pense, le mot d'ordre foucauldien me semble très justifié à cet égard, qui consiste à dire, question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, tout est intéressant et tout est dangereux. Et manifestement, la condition néolibérale, elle est corrélée à un régime néolibéral. Mais en même temps, il me semble que c'est du point de vue de cette appréciation de soi que l'on pourra le mieux le contester. En effet, la question est de savoir à quelles conditions nous apprécions-nous. Qui dicte les conditions d'appréciation de soi? Ou comment joue-t-on sur les conditions d'appréciation de soi? C'est-à-dire, l'enjeu, c'est bien le crédit. De la même manière qu'à l'époque de la condition libérale, l'enjeu était le profit. Mais il me semble que c'est là où l'analogie avec le mouvement ouvrier de l'époque socialiste est intéressante. Puisqu'en effet, qu'est-ce que fait le mouvement ouvrier au moment de l'institution, de l'imposition de la condition libérale? Il ne dit pas « rendez-nous l'artisanat ». Au contraire, il entre sur le marché qui est le marché pertinent de l'époque, c'est-à-dire le marché du travail, pour constituer des syndicats et pour précisément lutter sur ce marché-là, lutter pour augmenter le prix de la force de travail, lutter pour améliorer les conditions de travail, voire même organiser cette lutte pour que cette lutte rende le capitalisme invivable. Il me semble que s'il est vrai qu'aujourd'hui, le marché de référence n'est plus le marché du travail, mais le marché des capitaux, c'est-à-dire les marchés financiers, c'est-à-dire le marché du crédit, eh bien il s'agirait, pour contester le néolibéralisme, d'entrer sur le marché du crédit. C'est-à-dire de trouver les stratégies pour œuvrer pour travailler à l'accréditation ou à la discréditation ou au discrédit de certaines conduites, de certaines pratiques. En tout cas, c'est cette voie politique-là qui me semble la plus féconde aujourd'hui. Merci, j'ai vraiment été très long. Merci. On va passer aux questions. On va essayer de privilégier les questions un peu courtes, qui vont être posées pas mal. En même temps, j'aurais mauvaise grâce à avoir parlé pendant des heures. Je vais peut-être commencer, je pense. Pas. On peut juste poser une première question, puis on va lancer comme ça la discussion. En fait, moi, je voulais juste revenir sur la fin de l'exposé. Et puisque vous l'avez abordé de manière suggestive à la fin, l'analyse que vous faites, évidemment, de ce dispositif de la condition néolibérale, il est profondément lié notamment à l'articulation donc avec la notion de capital humain. Et à la toute fin donc, de votre exposé, vous suggérez donc une piste qui consiste à essayer donc, de réinvestir de façon interne ce capital humain et d'essayer en fait, de porter une forme de conflictualité au sein de ce capital humain. Du coup, ce qui ressort de cette conclusion, c'est une certaine prise de distance avec tout un ensemble d'analyses qui se sont pas mal développées ces derniers temps, autour évidemment de la théorie de la reconnaissance notamment, qui aborde ce dispositif lié au capital humain au prisme d'une notion qui est celle de la réification. Et du coup, ce que je voulais juste, parce que vous avez terminé assez rapidement évidemment là-dessus, est-ce que vous pouvez juste préciser ou revenir un tout petit peu davantage sur le regard critique que vous portez finalement sur ce type d'analyse et sur la façon dont on peut envisager justement de dissocier les logiques associées à ce capital humain de ses effets en termes de réification. Alors comment dissocier ces deux aspects? Je prends plusieurs, je réponds une à une, comment je fais? Comme vous voulez. Une à une, peut-être? Non, c'est mieux. Ouais. Ben oui. Si mon hypothèse est fondée, si effectivement le capital humain, et encore, pas à tous les niveaux parce qu'il y a une histoire du capital humain, mais en tout cas tel qu'il est opératoire aujourd'hui, renvoie à une condition néolibérale, et si cette condition néolibérale n'est pas simplement une espèce de condition hyper libérale, c'est-à-dire, au fond, la critique qui parle de réification dit quoi ? Dit, elle part de l'idée d'une condition libérale, qu'elle ne voit pas comme condition libérale, mais qu'elle voit comme condition humaine, et qui consiste à dire, oui, en effet, il y a du désintéressement et il y a de l'intérêt. Le désintéressement, c'est bien, l'intérêt, c'est pas bien. En tout cas, l'intérêt utilitariste, individuel, etc. Avant, c'était déjà pas bien, mais au moins, il y avait de l'espace et du temps qui étaient laissés au désintéressement. Petit à petit, on est dans la réification progressive, dans la marchandisation progressive selon les nomenclatures, ce qui veut dire que la part qui était laissée au désintéressement ne cesse de se réduire. En gros, c'est une critique symétrique de la critique de Hayek ou de Friedman dans les années 40 et 50. Hein. Eux, ils étaient dans le lamento, l'intérêt ne cesse de se réduire au profit du désintéressement. Là, c'est l'inverse, c'est le désintéressement ne cesse de se réduire au profit de l'intérêt, et donc il faut regagner des marges pour le désintéressement. Si mon hypothèse est fondée, il me semble que cette condition néolibérale récuse, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'ici essentiellement pour le pire, mais potentiellement pour un meilleur, ou en tout cas un meilleur que le pire, l'opposition distinctive entre l'intérêt et le désintéressement, entre l'intérêt et le désintéressement, j'allais dire aussi entre ce que j'ai et ce que je suis. D'accord. Cette opposition-là n'est plus pertinente d'une certaine façon, puisque précisément mon rapport est un rapport spéculatif au capital humain que je suis. Mon capital humain, ce n'est pas comme ma force de travail jadis en plus grand. Ce qui veut dire que ce n'est plus un rapport possessif. Ce n'est plus quelque chose que je possède. C'est moi. C'est moi en tant que stock de compétences qui ne cesse de produire des effets, qui ne cesse de s'actualiser, qui ne cesse de se valoriser surtout. Les théoriciens du capital humain sont encore des libéraux. Les vrais théoriciens, Becker et tout ça, et les gens de l'école de Chicago, c'est très intéressant parce que, à la fois, ils fondent, à mon avis, ce qui est le concept essentiel de la condition néolibérale, mais ils le pensent de manière libérale. Dans la mesure où, précisément, qu'est-ce qu'ils disent c'est une longue histoire que j'aurais pu vous raconter aussi, et elle est très belle d'ailleurs, enfin, cette histoire du capital humain et du fait que ça hante l'histoire. La théorie économique depuis le 19e siècle, même avant, même depuis Adam Smith et depuis Jean-Baptiste Say. Il y a cette idée, oh, ce serait chouette quand même si on pouvait traiter tous les capitaux de la même manière, de façon homogène. Hein, la terre, les capitaux immobiliers et les hommes. Hein, ce serait bien. Hein, ce serait beaucoup plus, pour les calculs, ce serait beaucoup plus facile. Et en particulier, à partir du moment où l'économie néoclassique se développe, Walras, et puis les Anglais, en particulier Marshall, sont dans cette espèce de lamento en disant ah oui, non, ça, c'est vraiment la même chose, hein, c'est homogène. Mais ils ont un petit scrupule à la fin. Et Marshall, par exemple, dit oui, quand même, hein, il faut se souvenir que les hommes libres ne sont pas amenés à leur travail selon les mêmes principes que les machines, les chevaux et les esclaves. L'ouvrier vend son travail, mais sa personne n'a pas de prix. Donc, hein, bon, pas exagéré. Même si c'est tentant, faut pas. Et précisément, l'idée, ça va être le contournement de ça. Le contournement de ça, il vient très tôt, c'est Irving Fisher, l'économiste de l'ère du progrès qui va le lancer, et ça va être repris ensuite par les économistes de Chicago. Et ça consiste à dire, faut pas s'inquiéter, parce que quand on parle de capital humain, on parle pas juste des ouvriers, donc c'est pas qu'on va les réduire en esclavage. Capital humain, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est un capital humain? Mais il continue à le penser de façon libérale. Qu'est-ce que c'est un capital humain? Ben, c'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut considérer que la vie, c'est une entreprise dont je suis le chef. Ma vie est une entreprise dont je suis le chef. Ce qui veut dire que tous mes choix sont des investissements. Tous les efforts qu'imposent ces choix, c'est des coûts. Tout ce que me rapportent ces choix, c'est des revenus. Et le travail. Si je vois les choses comme ça, où est le problème, hein? Bon. Sauf qu'on voit bien qu'on est encore dans un modèle libéral au sens où le but du jeu, c'est de maximiser les revenus. C'est que donc je vais choisir, je vais investir, donc je vais faire mes choix en fonction d'un calcul plus ou moins bien fait, comparatif, entre les coûts et, ce que me coûte et ce que me rapporte chaque décision. D'accord? Mais le capital, du coup, il est virtuel. La seule chose qui est actualisée, c'est les coûts et les revenus. Or, ce qui est intéressant avec la condition néolibérale, c'est qu'on est dans un tout autre type de capital. C'est-à-dire que, tout à coup, je ne dois plus me considérer comme un chef d'entreprise fordiste qui gère ses coûts et ses investissements en fonction des revenus qu'il veut avoir. Je dois me considérer comme un gestionnaire de capital, comme un gestionnaire de portefeuille. J'ai un portefeuille de conduite et de compétences que je place, où j'emprunte, je place, que je modifie, non plus pour optimiser et maximiser mes revenus, mais pour m'apprécier. C'est-à-dire pour augmenter à la fois mon estime de soi, mon estime de moi-même et mon crédit, avec l'ambiguïté ou l'ambivalence productive de cette notion de crédit dans la mesure. Est-ce que c'est le fait que j'ai de l'estime de soi qui fait que j'aurai du crédit auprès des autres, ou est-ce que c'est le crédit que j'ai auprès des autres qui fait, etc. Et il s'agit de tracer le même cercle vertueux que les Augustiniens entre le désir et le don. Mais du coup, quand on est dans cette vision-là du capital humain, la question de la différence entre ce que je suis et ce que j'ai, elle est plus pertinente. C'est pour ça que ça me semble radicalement différent d'une marchandisation totale de tout, parce que marchandisation. Mais juste parce que sur cette notion de capital humain, il y a, en lisant votre texte, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est si, en fait, votre description du capital humain, c'était s'adosser à une lecture vraiment foucaldienne, donc très. Délimiter des nœuds de savoir-pouvoir, du coup, en fait, c'est une description de la manière dont se construisent les modes de surmotivation. Ou alors, enfin, comment dire, mais qui reste en fait à un niveau, qui pourrait rester à un niveau relativement discursif, c'est-à-dire le niveau de la manière dont les sujets se projettent dans leurs actions. Alors, est-ce que c'est juste ce niveau-là, ou est-ce qu'en fait, votre description, elle vaut aussi en termes de théorie de l'action ? C'est-à-dire que si c'est ce deuxième plan qui prévaut, ça veut dire que, là, je rebondis sur des choses qu'on travaille pas mal sur Paul en lien avec les théories des identités, ça voudrait dire qu'en fait, dans ce paradigme du capital humain, les individus, en fait, s'apprécient eux-mêmes en faisant des calculs sur leurs identités à venir. C'est-à-dire qu'en mettant en jeu telle compétence, j'investis sur cette identité qui est particulièrement valorisée, etc. Mais donc ça veut dire, d'un point de vue d'une théorie de l'action, ça veut dire qu'en fait, je peux faire le choix de changer d'identité. Pas forcément, il y a un marché aussi, je veux dire. Ça veut dire quand même que je fais le choix d'investir telle ou telle compétence, et donc du coup, je suis quand même, toute chose telle par ailleurs, je suis maître en fait de changer d'identité dans un jeu de concurrence. Je comprends. Non, encore une fois, la question est très bonne, et c'est vrai qu'il faut que je précise ça, mais je pense que même déjà dans ce texte qui est ancien, je le disais déjà, mais il faudrait le faire ressortir, c'est pas seulement tout ce que je fais ou tout ce que je décide de faire, c'est tout ce que je fais et tout ce qui m'arrive qui va nécessairement avoir un effet d'appréciation ou de dépréciation de moi-même. Donc je n'ai pas, je contrôle pas la valeur de mon capital humain. Je ne le contrôle pas d'abord parce qu'il y a le marché, je ne le contrôle pas parce que je ne sais pas quel effet aura ce que je fais, je ne le contrôle pas aussi parce qu'il y a des trucs qui m'arrivent que je n'avais pas prévus avec toutes les possibilités de permutation de l'imprévision. Il y a la capacité d'agir et l'incapacité ou le fait d'être agi. Ça, d'une certaine façon, la distribution stratégique est différente, mais elle ne change pas par rapport à un sujet doté d'un inconscient dans le cadre de la condition libérale. Donc non, il n'y a pas de fantasme de maîtrise, il n'y a pas, si vous voulez, cette mauvaise interprétation de Judith Butler qui consiste à dire que je peux me refaire comme je veux en m'habillant différemment. Non, il ne s'agit pas de dire une chose de ce genre, qu'elle d'ailleurs n'a sûrement jamais dit. Mais c'est pas un fantasme de toute puissance sur l'identité. C'est juste un rapport différent à la fois à ce que je fais et à ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'au fond, il me semble, ça c'est l'autre partie dont je n'ai pas pu parler précisément par rapport à l'identité, il me semble qu'il y a le capital humain est la clé par l'économie pour définir la condition néolibérale. Mais il y a aussi une clé par l'histoire de la psychologie. Il me semble que il y a aussi une espèce de manière dont le rapport à soi pivote. Et là encore, c'est une histoire assez longue puisqu'elle commence dès les années 20-30, enfin 1920-1930. Où d'une certaine façon, il me semble que la psychanalyse freudienne, c'est le dernier dispositif de la condition libérale, c'est le dernier dispositif du sujet hédoniste, c'est-à-dire du sujet animé d'un désir auquel il est assujetti qu'il, ou en tout cas que quelque chose en lui, tente d'assouvir et que quelque chose en lui ne parvient pas jamais tout à fait à assouvir. Il me semble que ça, c'est la formulation ultime, d'une certaine façon, de cette condition libérale et critique en même temps, puisque au fond qu'est-ce que montre la psychanalyse, c'est que il y a un reste, c'est qu'il y a des désirs qui ne pourront être pris, qui résisteront, qui ne pourront pas être absorbés ni dans l'intéressé ni dans le désintéressé, et qu'il faut repenser le sujet à partir de ça. Donc c'est un point de vue critique sur la condition libérale, mais encore à l'intérieur de celle-ci. Il me semble que la psychologie pivote vers d'autres questions qui est au point de départ d'un sujet qui n'est plus un sujet assujetti à ses pulsions et qui doit advenir, mais qui est un sujet, plus exactement un soi, toujours déjà là, vulnérable, et qui doit ou non s'épanouir. Et cet épanouissement du soi, qui se substitue à l'avènement jamais achevé du moi à partir du ça, c'est le basculement, je dirais, psychique de la condition libérale vers la condition néolibérale. Mais ça ne signifie pas qu'on est dans un soi parfaitement conscient. On n'est pas dans un mode, utilitariste, rationaliste du soi autonome qui peut faire tout ce qu'il veut. Il y a un soi vulnérable au départ qui a besoin d'empathie pour s'épanouir. Le modèle est beaucoup plus organique et végétatif d'une certaine façon que le modèle du saut qualitatif freudien qui couronne la condition libérale, mais ce soi-là est effectivement dépendant de l'empathie qui lui permettra à la fois de s'épanouir sans nier sa vulnérabilité pour arriver au meilleur épanouissement possible et à l'estime de soi aussi haut que possible d'une certaine façon, en évitant les nouveaux problèmes qui sont les nouveaux problèmes de la condition néolibérale, qui sont à la fois la négation de sa vulnérabilité, avec tous les problèmes que ça pose, ou au contraire, la transformation de la vulnérabilité en soumission addictive, avec tous les problèmes que ça pose. Mais on voit une toute nouvelle nosologie, une toute nouvelle reconfiguration, d'une certaine façon, des maladies de l'âme, et des problèmes autour de cette condition néolibérale, mais qui ne signifie aucunement qu'on est dans le retour d'un sujet maîtrisant parfaitement tout ce qu'il peut faire. C'est juste que le jeu se joue autrement. Le jeu n'est plus le jeu de la demande de reconnaissance d'un côté et de l'optimisation de l'intérêt de l'autre. Ce ne sont plus les deux opérateurs de la conscience, même s'ils ne saturent pas le sujet. Les opérateurs de la conscience, maintenant, c'est effectivement des déplacements. Déplacements et des emprunts. Mais ils ne sont pas plus totalisants et n'assurent pas plus de maîtrise de soi qu'avant. C'est juste une nouvelle configuration de la maîtrise de soi partielle. Je ne sais pas si je suis clair dans mes... Je peux rajouter une question justement qui est en oreille. Du coup, justement, parce que donc on a travaillé effectivement sur votre texte avant, et moi j'étais, enfin, on s'interrogeait sur la capacité finalement à donner une signification autre à cette idée de capital humain, et qui serait le geste premier pour justement mener une critique pratique interne de cette condition néolibérale. Et moi, je sais que j'avais du mal à penser ce retournement-là, parce que je me disais, mais finalement, parce que moi je me rends compte que j'avais une compréhension libérale de ce que c'est que le capital humain. Et du coup, la question que je me posais là, c'est, en vous écoutant, c'était, est-ce que, donc en poursuivant cette articulation que vous avez simplement suggérée ici, entre capital humain et estime de soi, parce que moi je trouve qu'en clé d'estime de soi, cette dimension de la vulnérabilité, elle devient immédiatement saillante en fait. Mettre l'accent là-dessus peut aussi fournir un point de départ pour demander des formes de régulation de la distribution de reconnaissance, voilà, qui n'accuse pas la vulnérabilité de certains, par exemple, au détriment de celle d'autres. Alors que, par exemple, avec la notion de capital humain, en fait, je ne voyais pas. Alors, effectivement, il faudrait... est-ce que, par exemple, une stratégie qui consisterait à réinterpréter la notion de capital humain en mettant l'accent sur la dimension d'absence de contrôle finalement qui est inhérente à cette manière de se concevoir soi-même, c'est-à-dire que ce que je suis, ce qui fait ma valeur finalement ne dépend pas de moi, donc retrouver la vulnérabilité par ce biais-là ne constituerait pas une voie finalement pour cette critique interne. Je ne peux que refaire la même réponse, c'est-à-dire il me semble que c'est toujours la même chose. La notion d'agency est toujours mise à toutes les sauces, mais il me semble que cette capacité d'agir est toujours sous contrainte. Et effectivement, dans la condition néolibérale, qu'on la prenne du côté de la vulnérabilité ou qu'on la prenne du côté du capital humain, manifestement, jusqu'à un certain point, on place et on est conscient des placements qu'on fait, et jusqu'à un certain point, on ne l'est pas. Le partage entre les deux, ça c'est, enfin je veux dire, c'est de moment à moment, de vie à vie, de personne à personne qu'on voit les différences. Mais moi ce qui m'intéresse bien dans cette construction, c'est là où la jouissance foucauldienne de ce genre de choses, c'est précisément l'idée que des trucs estampillés sympathiques croisent ou s'emboîtent avec des trucs estampillés très antipathiques. Et l'idée que ça fait une condition précisément, moi j'aime assez ça d'une certaine façon. Et donc de la même manière que il y a des manières de jouer avec la vulnérabilité et l'estime de soi qui est très antipathique, il pourrait y avoir des manières surprenantes et intéressantes de jouer avec le capital humain. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement il me semble qu'il y a une homologie de fonctionnement ou un emboîtement de fonctionnement entre les deux. Un des trucs là que je suis en train de travailler, qui sera une des voies vers la fin du livre, mais que je dois aussi commencer à présenter à notre séminaire dans les jours qui viennent. Il me semble que un des endroits remarquables et imprévus de l'émergence de la condition néolibérale, c'est le féminisme radical des années 60-70. C'est assez inattendu comme endroit, mais il me semble qu'on le voit là, et on le voit comment. Très très brièvement et très schématiquement, encore une fois. Le féminisme radical, en particulier aux États-Unis, émerge de la nouvelle gauche américaine. C'est-à-dire d'une nouvelle gauche très informée par l'école de Francfort, par Marcuse en particulier, etc., mais aussi par leur propre... par la psychologie humaniste des années 40-50, enfin par plein de choses, la réalisation de soi et des trucs de ce genre, certains assez cucus, certains assez sophistiqués, mais le mélange, ça fait un cocktail. Donc ça, c'est cette nouvelle gauche radicale à ce moment-là, et qui va porter notamment l'idée d'une libération du désir ou d'une libération de la sexualité. Et qui va, c'est un très joli livre, c'est un livre très, très journalistique, mais qui est un très joli livre, très vieux, qui date de 1980, d'une femme qui s'appelle Sarah Evans, qui s'appelle Personal Politics, qui doit être épuisée depuis bien longtemps, mais enfin, essayer de le retrouver, et qui est une histoire précisément de l'émergence du féminisme radical dans le mouvement de la nouvelle gauche. Et elle explique le grave problème, enfin le problème qui va assaillir les femmes investies dans ce mouvement de nouvelle gauche, où à la fois on est tous pour la révolution qui arrive et qui est pour demain et la grande émancipation de soi, enfin, c'est quand même toujours les mêmes qui font les sandwichs, le café, etc. À la fois banal et sinistre comme on sait, mais donc les choses vont partir de là. Et vont partir de là, et la réflexion va commencer sur qu'est-ce que c'est en particulier que cette libération sexuelle qu'on nous propose. Est-ce que... On va partir là. Monsieur, normalement j'ai cours à 16h. Ah d'accord. Bon ben... On peut... 5 minutes, ça tient. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez, on peut se déplacer. Il faut aller dehors. Et donc la question de la sexualité va être centrale, c'est-à-dire est-ce que cette libération sexuelle c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une autre forme d'assujettissement. Et le féminisme radical va se développer sur le fait que précisément la sexualité est précisément le matériau même de l'assujettissement des femmes. C'est ce qu'apporte le féminisme radical par rapport au féminisme libéral. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, du coup, il faut renoncer à la sexualité? Ou est-ce qu'il faut attendre un nouveau monde avant de reprendre la sexualité? Est-ce qu'il faut seulement renoncer à l'hétérosexualité? Tous ces problèmes vont être agités, avec évidemment des courants très différents qui vont pousser dans un sens et dans l'autre. Mais il me semble que ce qui va émerger petit à petit, c'est cette idée que la sexualité pour les femmes, et on le voit dans des trucs... à la fois de féminisme radical, mais mainstream en même temps, comme par exemple « Our bodies, ourselves » et tout ce qui est autour de ça, c'est cette idée que la sexualité n'est, ni bonne ni pas bonne a priori. Ce n'est ni ce moteur de la libération que disent certains, ni simplement ce matériau de l'assujettissement que disent d'autres. La sexualité, au fond, c'est bien ou c'est pas bien selon ce que ça fait de nous, nous femmes. Excusez de dire nous en l'occurrence. C'est-à-dire, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue, pour le dire très rapidement puisqu'on n'a pas le temps, notre estime de nous-mêmes. Et précisément, ça va se jouer autour de ça. Par exemple, il va y avoir un niveau pas particulièrement sophistiqué de ce féminisme radical, mais il va y avoir un certain nombre d'auteurs, Thomas Lacker en parle dans son histoire de la masturbation, certains auteurs qui vont développer cette idée que, par exemple, il faut repartir de la sexualité à partir de la masturbation. Et que la masturbation, c'est comme rapport à soi, c'est le fond de la sexualité. Et que par conséquent, je décide de la socialisation de ma sexualité en fonction d'un rapport. Est-ce que, par rapport à ce que je peux me faire moi-même, est-ce que ce que je fais avec un autre me fait me sentir mieux ou me fait me sentir moins bien avec moi-même? C'est une des manières, pas la plus sophistiquée théoriquement, de développer cette idée. Mais d'une manière générale, ce qui va se développer à ce moment-là, c'est précisément ça. C'est-à-dire que la sexualité cesse d'être un moteur de libération ou la substance d'un assujettissement pour devenir une dimension d'une expérience dans cette espèce d'appréciation, dépréciation de soi. Et on pourrait faire, et là j'arrête, et on pourrait faire la même généalogie avec les mouvements des minorités sexuelles. Là aussi, on parle sur une idée très freudienne de libération, c'est-à-dire que l'idéal, c'est le polymorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on renverse les choses, c'est-à-dire que l'idéal, c'était la norme hétérosexuelle. Non, l'idéal, c'est le polymorphisme sexuel, et les héros sont ceux qui s'en approchent de ça. Mais puis, ça va être petit à petit abandonné, et quand même, il y a un truc dont j'ai beau faire des recherches, je n'ai toujours pas trouvé la réponse, parce que j'aime avoir les dates pour où ça change, mais il me semble que c'est presque, tout le monde me dit que c'est précisément aux alentours de 1979, ce qui me met en joie, que les grandes fêtes et cérémonies gays et lesbiennes vont cesser de s'appeler Gay Liberation Day pour commencer à s'appeler Gay Pride. Et le passage de libération à Pride, a lieu à la fin des années 60, au début des années 80. Et je ne crois pas qu'il est réductible à un espèce de repli identitaire. Non, c'est juste autre chose. C'est-à-dire, c'est précisément le côté libération ou au contraire, ma sexualité, c'est mon identité, n'est plus très bonne. Il y a, comme disait très bien Foucault à cet égard-là, il y a une culture à inventer, non pas notre culture, mais il y a une culture à inventer, et précisément cette culture, c'est dans cette espèce de rapport à l'épanouissement, ou au contraire au non-épanouissement, et qui se testera de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a les cheminements sont complexes. On va les laisser. On peut continuer, hein, ceci.